Mais non, on connaît pas Herbie Man. J'ai sorti le micro, j'en ai marre de taper sur le putain de clavier là. Ben, si vous avez compris le truc, les mecs, c'est bien, parce que c'est facile finalement. Il y a quatre accords, il y a quatre modes à utiliser, et donc dans les quatre modes, t'as 8 modes. Et ça te fait 32 possibilités pour t'éclater. Donc pour un soliste, s'il connaît ses modes, il a 8 modes sur chaque accord. C'est pour ça que je te disais, à un moment donné, je jouais tout en majeur, après je jouais tout en penta, après je mélangeais un coup en A dorien, Fa dièse aéolien, G dorien, E dorien. Je m'amuse après, donc c'est ça qu'il faut faire. C'est une question d'atmosphère. C'est une question d'atmosphère. C'est pas une question de débit de notes. C'est une question d'atmosphère à avoir. Ouais, l'imprégnation. Ouais, mais faut te mettre à tremper longtemps, quoi. Faut te mettre à tremper longtemps. Moi, je me suis fait chier à comprendre ça une fois pour toutes, et comme ça, je gagne du temps. De toute façon, quand tu es en accord mineur, à partir des gammes majeures que j'ai données tout à l'heure, quand tu es en A dorien, la gamme majeure c'est Sol. Hein. Donc tu peux jouer en Sol majeur sur un A dorien, ou tu joues en A dorien, ou du Sol, tu peux jouer en Mi mineur, Mi mineur 7, donc tu peux chatouiller le 7e, tu peux faire plein de choses. Donc ça dépend de l'ambiance, la couleur que tu veux donner. Hein. Mais c'est vrai que dans le fusion, ils utilisent beaucoup le dorien et l'aéolien, hein, donc. Ce qu'il faut, c'est que les notes de la mélodie elles soient justes par rapport à l'accord, c'est tout. Normalement, ça correspond aux notes des accords. Bon, Gérald, t'as piqué le pipeau à ta fille. Pourquoi tu te mets à faire du pipeau là? Bon, je vous mets un truc chiant avec des modes. J'en ai d'autres. Hein. Moi, quand je viens sur Nijam, c'est pour travailler.